vibe, s'investit dans le biz. Chez nous plus rien n'est triste. On persiste si tu résistes. Ici les cœurs n'ont plus peur. Notre argent n'a pas d'odeur. Sauf celle de notre thriller. Du craft pas pour la splendeur. Spécial fit killer. Faut que je m'adapte à cette putain d'époque. En solo, enfermé dans ma propre cage. Une muselière, des chaînes de poignée pour tomber ma rage. Croyable faut du cash. Trop de mirage dans les visages. Je déploie mes ailes pour un carnage. Pas deux, on veut toujours davantage. En mode abattage, on règle les comptes et on s'arrache. 85 ma naissance, 09 en guerre dans l'urgence. Farouche dans l'apparence, mais fait bêler qu'à l'animal quand il se lance. Au lever du soleil, faut que mon règne vienne avant que ma flamme ne fasse plus une seule étincelle. Toujours dans l'obscurité, les visages cachés. Un feu d'air pour m'épauler, pour que je ne sache à jamais défoncer. Tout est explosé, tu voulais tester Val de Fontenay. Ton équipe est craquée, ma bande est brûlée, ta team part en fumée. Coaché très jeune par la fierté, on a prêt à jamais abandonner, ne pas nous y arracher. On se doit de gagner. Valpul s'investit dans le biz. Chez nous plus rien n'est triste. On persiste si tu résistes. Ici les cœurs n'ont plus peur. Notre argent n'a pas d'odeur. Sauf celle de notre univers. Qui crave pas pour la splendeur. Spécial fit killer. Petit rappel pour ceux qui sont amnésiques. N'oubliez pas qui est le king. Pour la ceinture montée sur le ring. J'ai fait mes preuves et les victimes le savent bien. Cherche pas la merde, c'est ta propre couille, c'est une joint. Comme on dit, des fois ça va loin. Et quand c'est parti, on se la met pour un rien. À Val 2, c'est ça le quotidien. Les mecs se chient dessus, ils check normal le lendemain. Non, non, j'suis pas dupe, t'as vu, j'mets pas des jupes. Tu veux m'embobiner, moi tu m'as pris pour ta pute. Ou quoi, arrête ta flûte. André en fit pour sa tape. Négro, on encourage ceux qui respectent. Mec, 2009, l'année de la réussite. Que la santé me tienne debout. Que dans les packs, j'annonce mon disque. La voix du ghetto, ouais c'est le titre, ouais le street. Il arrive, elle m'attrache, pourquoi tu flippes. Valpu s'investit dans le biz. Chez nous plus rien n'est triste. On persiste si tu résistes. Ici les cœurs n'ont plus peur. Notre argent n'a pas de peur. Sauf celle de notre univers. Il crave pas pour la splendeur. Spécial fait killer.